Chapitre 70e, Monsieur de Jussieu. Si nous nous transportons encore une fois dans cette maison de la rue Plâtrière, où Monsieur de Sartine envoya son agent, nous y trouverons, le matin du 31 mai, Gilbert étendu sur matelas dans la chambre même de Thérèse, et autour de lui, Thérèse et Rousseau avec plusieurs de leurs voisins, contemplant cet échantillon lugubre du grand événement dont tout Paris frissonnait encore. Gilbert, pâle, sanglant, avait ouvert les yeux, et sitôt que la connaissance lui était venue, il avait cherché, en se soulevant, à voir autour de lui comme s'il était encore sur la place Louis XV. Une profonde inquiétude d'abord, puis une grande joie s'était peinte sur ses traits. Puis était venu un autre nuage de tristesse qui avait de nouveau effacé la joie. « Souffrez-vous, mon ami ?» demanda Rousseau en lui prenant la main avec sollicitude. « Oh, qui donc m'a sauvé ?» demanda Gilbert. « Qui donc a pensé à moi pour être isolé dans le monde ?» « Ce qui vous a sauvé, mon enfant, c'est que vous n'étiez pas encore mort. Celui qui a pensé à vous, c'est celui qui pense à tous. »« C'est égal. C'est bien imprudent, » grommela Thérèse, d'aller se mêler à de pareilles foules. « Oui, oui, c'est bien imprudent, » répétèrent en chœur les voisins. « Eh, mesdames, » interrompit Rousseau, « il n'y a pas d'imprudence là où il n'y a pas de danger patent. Il n'y a pas de danger patent à aller voir un feu d'artifice. Quand le danger arrive en ce cas, on n'est pas imprudent, on est malheureux. Mais nous, parlons, nous en eussions fait autant. » Gilbert regarda autour de lui, et se voyant dans la chambre de Rousseau, il voulut parler. Mais l'effort qu'il tenta fit monter le sang à sa bouche et à ses narines. Il perdit connaissance. Rousseau avait été prévenu par le médecin de la place Louis XV, et il ne s'effraya donc point. Il attendait ce dénouement, et c'est pour cela qu'il avait fait placer son malade sur un matelas isolé et sans drap. « Maintenant, dit-il à Thérèse, vous allez pouvoir coucher ce pauvre enfant. Où cela ? Mais ici, dans mon lit ?» Gilbert avait entendu. L'extrême faiblesse l'empêchait seul de répondre tout de suite, mais il fit un violent effort, et rouvrant les yeux. « Non, dit-il avec effort, non, là-haut. Vous voulez retourner dans votre chambre ? Oui, oui, s'il vous plaît. » Et il acheva plutôt avec les yeux qu'avec la langue ce vœu dicté par un souvenir plus puissant que la souffrance, et qui semblait, dans son esprit, survivre même à la raison. Rousseau, cet homme qui avait l'exagération de toutes les sensibilités, comprit sans doute car il ajouta « C'est bien, mon enfant, nous vous transporterons là-haut. Il ne veut pas nous gêner, » dit-il à Thérèse, qui approuva de toutes ses forces. En conséquence, il fut décidé que Gilbert serait installé à l'instant même dans le grenier qu'il réclamait. Vers le milieu du jour, Rousseau vint passer près du matelas de son disciple le temps qu'il perdait d'habitude à collectionner ses végétaux favoris. Le jeune homme, un peu remis, lui donna, d'une voix basse et presque éteinte, les détails de la catastrophe. Il ne raconta pas pourquoi il était allé voir le feu d'artifice. La simple curiosité, disait-il, l'avait conduit sur la place Louis XV. Rousseau ne pouvait en soupçonner davantage, à moins d'être sorcier. Il ne témoignait donc aucune surprise à Gilbert, se contenta des questions déjà faites, et lui recommanda seulement la plus grande patience. Il ne lui parla pas non plus du lambeau d'étoffe qu'on lui avait vu dans la main et dont Philippe s'était saisi. Cependant, cette conversation, qui pour tous deux côtoyait de si près l'intérêt réel et la vérité positive, n'en était pas moins attrayante, et ils s'y livraient l'un et l'autre tout entiers, quand tout à coup le pas de Thérèse retentit sur le palier. « Jacques » dit-elle, « Jacques ! Eh bien, qu'y a-t-il ? Quelque prince qui vient me voir à mon tour ?» dit Gilbert avec un pâle sourire. « Jacques ! Cria Thérèse, avançant et appelant toujours. « Eh bien, voyons, comme veut-on » Thérèse apparut. « C'est monsieur de Jussieu qui est en bas, » dit-elle, « et qui, ayant appris qu'on vous avait vu là-bas cette nuit, veut savoir si vous avez été blessé. » « Ce bon Jussieu, » dit Rousseau, « excellent homme, comme tous ceux qui se rapprochent par goût ou par nécessité de la nature, source de tout bien. Soyez calme, ne bougez pas, Gilbert, je reviens. » « Oui, merci, » dit le jeune homme. Rousseau sortit. À peine était-il dehors que Gilbert, se soulevant du mieux qu'il put, se traîna vers la lucarne d'où l'on découvrait la fenêtre d'André. Il était bien pénible, pour un jeune homme sans force, presque sans idée, de se hisser sur le tabouret, de soulever le châssis de la lucarne et de s'arc-bouter sur l'arête du toit. Gilbert y réussit pourtant, mais une fois là, ses yeux s'obscurcirent, sa main trembla, le sang revint à ses lèvres et il tomba lourdement sur le carreau. À ce moment, la porte du grenier se rouvrit et Jean-Jacques entra, précédant M. de Jussieu auquel il faisait mille civilités. « Prenez garde, mon cher savant, baissez-vous ici. Il est là un pas, » disait Rousseau. Dame, nous n'entrons pas dans un palais. Merci, j'ai de bons yeux, de bonnes jambes, répondit le savant botaniste. Voilà combien vous visitez, mon petit Gilbert, fit Rousseau en regardant du côté du lit. Ah mon Dieu, où est-il? Il s'est levé, le malheureux. Et Rousseau, apercevant le châssis ouvert, allait s'emporter en paternelle gronderie. Gilbert se souleva avec peine et d'une voix presque éteinte. « J'avais besoin d'air, » dit-il. Il n'y avait pas moyen de gronder. La souffrance était visible sur ce visage altéré. « En effet, » interrompit M. de Jussieu, « il fait horriblement chaud ici. Voyons, jeune homme, voyons ce pouls. Je suis médecin aussi, moi. »« Il est meilleur que bien d'autres, » dit Rousseau, « car vous êtes aussi bon médecin de l'âme que du corps. »« Tant d'honneur, » dit Gilbert d'une voix faible, en essayant de se dérober aux yeux dans son propre lit. Monsieur de Jussieu a tenu à vous visiter, dit Rousseau, et moi j'ai accepté son offre. Voyons, cher docteur, que dites-vous de cette poitrine? L'habile anatomiste palpa les os, interrogea la cavité par une auscultation attentive. Le fond est bon, dit-il, mais Guinon vous a pressé dans ses bras avec cette force. Hélas, monsieur, c'est la mort, dit Gilbert. Monsieur de Jussieu regarda le jeune homme avec étonnement. Oh, vous êtes froissé, mon enfant, bien froissé. Mais des toniques, de l'air, du loisir, et tout cela disparaîtra. Pas de loisir, je n'en puis prendre, dit Gilbert en regardant Rousseau. Que veut-il dire? Demanda M. de Jussieu. Gilbert est un résolu travailleur, cher monsieur, répondit Rousseau. D'accord, mais on ne travaille pas ces jours-ci. Pour vivre, dit Gilbert, on travaille tous les jours, car tous les jours on vit. Oh, vous ne consommerez pas beaucoup de nourriture, et vos tisanes ne coûteront pas cher. Si peu qu'elles coûtent, monsieur, dit Gilbert, je ne reçois pas l'aumône. Vous êtes fou, dit Rousseau, et vous exagérez. Je vous dis, moi, que vous vous gouvernerez d'après les ordres de monsieur, car il sera votre médecin malgré vous. Croyez-vous, continua-t-il en s'adressant à monsieur de Jussieu, qu'il m'avait supplié de n'en pas appeler. Pourquoi? Parce que cela m'eût coûté de l'argent, et qu'il est fier. Mais, répliqua monsieur de Jussieu, qui considérait avec le plus vif intérêt cette tête expressive et fine de Gilbert. Si fier que l'on soit, on ne saurait faire le plus que le possible. Vous croyez-vous en état de travailler, vous qui, pour avoir été à cette lucarne, êtes tombé en route? C'est vrai, murmura Gilbert. Je suis faible, je le sais. Eh bien alors, reposez-vous, surtout moralement. Vous êtes l'hôte d'un homme avec lequel tout le monde compte, excepté son hôte. Rousseau, bien heureux de cette politesse délicate de ce grand seigneur, lui prit la main et la serra. Et puis, ajouta M. de Jussieu, vous allez devenir l'objet des sollicitudes paternelles du roi et des princes. Moi? S'écria Gilbert. Vous, pauvre victime de cette soirée. Monsieur le Dauphin, en apprenant la nouvelle, a jeté des cris déchirants. Madame la Dauphine, qui se préparait à partir pour Marly, reste à Trianon afin d'être plus à portée de venir au secours des malheureux. Ah, vraiment? Dit Rousseau. Oui, mon cher philosophe, et l'on ne parle ici que de la lettre écrite par le Dauphin à Monsieur de Sartine. Je ne la connais pas. C'est à la fois naïf et charmant. Le dauphin reçoit 2000 écus de pension par mois. Ce matin, son moins n'arrivait pas. Le prince se promenait tout effaré. Il demanda plusieurs fois le trésorier, et celui-ci, ayant apporté l'argent, le prince l'envoya aussitôt à Paris, avec deux lignes charmantes à M. de Sartine, qui me les a communiquées à l'instant. Ah, vous avez vu aujourd'hui M. de Sartine, dit Rousseau, avec une espèce d'inquiétude, ou plutôt de défiance. Oui, je le quitte, répliqua M. de Jussieu, un peu embarrassé. J'avais des graines à lui demander. En sorte, ajouta-t-il très vite, que Madame la Dauphine reste à Versailles pour soigner ses malades et ses blessés. Ses malades, ses blessés, dit Rousseau. Oui, M. Gilbert n'est pas le seul qui ait souffert. Le peuple n'a payé cette fois qu'un impôt partiel à la catastrophe. Il y a, dit-on, parmi les blessés, beaucoup de personnes nobles. Gilbert écoutait avec une anxiété, une avidité inexprimable. Il lui semblait à tout moment que le nom d'André allait sortir de la bouche de l'illustre naturaliste. M. de Jussieu se leva. « Voilà donc la consultation faite, » dit Rousseau. « Et désormais inutile sera notre science auprès de ce malade. De l'air, de l'exercice modéré, les bois. À propos, j'oubliais. Quoi donc? Je pousse dimanche prochain une reconnaissance de botaniste dans le bois de Marly. Êtes-vous homme à m'accompagner, mon très illustre confrère? Oh, repartit Rousseau, dites votre admirateur indigne. Parbleu, voilà une belle occasion de promenade pour notre blessé. Amenez-le. Si loin? C'est à deux pas. D'ailleurs, mon carrosse me conduit à Bougival. Je vous emmène. Nous montons par le chemin de la princesse à Lucienne. Nous gagnons de là Marly. À chaque instant, des botanistes s'arrêtent, notre blessé portera nos pliants, nous herboriserons tous deux, vous et moi, lui y vivra. Que vous êtes un homme aimable, mon cher savant, dit Rousseau. Laissez faire, j'ai mon intérêt à cela. Vous avez, je le sais, un grand travail préparé sur les mousses, et moi, j'y vais un peu à tâtons. Vous me guiderez. Oh, fit Rousseau, dont la satisfaction perça malgré lui. Là-haut, ajouta le botaniste, un petit déjeuner, de l'ombre, des fleurs superbes. C'est dit ? C'est dit. À dimanche, la charmante partie. Il me semble que j'ai 15 ans. Je jouis d'avance de tout le bonheur que j'aurai, répondit Rousseau avec la satisfaction d'un enfant. Et vous, mon petit, affermissez vos jambes, dit Sylla. Gilbert balbutia une sorte de remerciement que M. de Jussieu n'entendit pas, les deux botanistes laissant Gilbert tout à ses pensées et surtout à ses craintes.